Deuxième livre de Samuel, chapitre 14. Alors Joab, fils de Tseruja, connaissant que le cœur du roi était pour Absalom, envoya à Tekoa, et fit venir de là une femme sage, à laquelle il dit, « Je te prie, fais semblant de lamenter, et te vais maintenant des habits de deuil, et ne toins point d'huile, mais sois comme une femme qui depuis longtemps se lamente pour un mort. » Et entre vers le roi, et tient-lui ses discours, car Joab lui mit en la bouche ce qu'elle devait dire. La femme Tekoïde donc parla au roi, et s'inclina sur son visage en terre, et se prosterna, et dit, « Ô roi, aide-moi. » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu ? » Et elle répondit, « Certes je suis une femme veuve, et mon mari est mort. Or ta servante avait deux fils, qui se sont querellés dans les champs, et il n'y avait personne qui les séparât, ainsi l'un a frappé l'autre, et l'a tué. Et voici, toute la famille s'était élevée contre ta servante, en disant, « Donne-nous celui qui a frappé son frère, afin que nous le mettions à mort, à cause de la vie de son frère qui l'a tué, et que nous exterminions même l'héritier, et ils veulent ainsi éteindre le charbon vif qui m'est resté, afin qu'il ne laisse point de nom à mon mari, et qu'il ne me laisse aucun de reste sur la terre. » Le roi dit à la femme, « Va-t'en dans ta maison, et je donnerai mes ordres en ta faveur. » Alors la femme Tekoïde dit au roi, « Mon seigneur et mon roi, que l'iniquité soit sur moi, et sur la maison de mon père, et que le roi et son trône en soient innocents. » Et le roi répondit, « Amène-moi celui qui parlera contre toi, et jamais il ne lui arrivera de te toucher. » Et elle dit, « Je te prie que le roi se souvienne de l'Éternel son Dieu, afin qu'il ne laisse point augmenter le nombre des garants du sang pour perdre mon fils, et qu'on ne l'extermine point. » Et il répondit, « L'Éternel est vivant, si un seul des cheveux de ton fils tombe à terre. » Et la femme dit, « Je te prie que ta servante dise un mot au roi mon seigneur, » et il répondit, « Parle. » Et la femme dit, « Mais pourquoi as-tu pensé une chose, comme celle-ci contre le peuple de Dieu, car le roi en tenant ce discours ne se condamne-t-il point comme étant dans le même cas, en ce qu'il ne fait point retourner celui qui l'a banni ? Car certainement nous mourrons, et nous sommes semblables aux eaux qui s'écoulent sur la terre, lesquelles on ne ramasse point. Or Dieu ne lui a point ôté la vie, mais il a trouvé un moyen pour ne rejeter point loin de lui celui qui a été rejeté. Et maintenant je suis venu pour tenir ce discours au roi mon seigneur, parce que le peuple m'a épouvanté, et ta servante a dit, « Je parlerai maintenant au roi, peut-être que le roi fera, ce que sa servante lui dira. » Si donc le roi écoute sa servante pour la délivrer de la main de celui qui veut nous exterminer de l'héritage de Dieu, moi et mon fils, ta servante disait, que maintenant la parole du roi, mon seigneur nous apporte du repos, car le roi mon seigneur est comme un ange de Dieu, pour connaître le bien et le mal, que donc l'Éternel ton Dieu soit avec toi. Et le roi répondit, et dit à la femme, je te prie ne me cache rien de ce que je te vais demander. Et la femme dit, je prie que le roi mon seigneur parle. Et le roi dit, n'est-ce pas Joab qui te fait faire tout ceci? Et la femme répondit, et dit, ton âme vit, ô mon seigneur, qu'on ne serait biaisé ni à droite ni à gauche, sur tout ce que le roi mon seigneur a dit, puisqu'il est vrai que ton serviteur Joab me l'a commandé, et a lui-même mis dans la bouche de ta servante toutes ces paroles. C'est ton serviteur Joab qui a fait, que j'ai ainsi tourné ce discours, mais mon seigneur est sage comme un ange de Dieu, pour savoir tout ce qui se passe sur la terre. Alors le roi dit à Joab, voici maintenant, c'est toi qui as conduit cette affaire, va-t'en donc, et fais revenir le jeune homme Absalom. Et Joab s'inclina sur son visage en terre, et se prosterna, et bénit le roi. Et Joab dit, aujourd'hui ton serviteur a connu, qu'il a trouvé grâce devant toi, ô roi mon seigneur, car le roi a fait ce que son serviteur lui a dit. Joab donc se leva et s'en alla à Gesur, et ramena Absalom à Jérusalem. Et le roi dit, qu'il se retire en sa maison, et qu'il ne voit point ma face, et ainsi Absalom se retira en sa maison, et ne vit point la face du roi. Or il n'y avait point d'homme en tout Israël qui fût si beau qu'Absalom, pour faire estime de sa beauté, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Et quand il faisait couper ses cheveux, or il arrivait tous les ans qu'il les faisait couper, parce qu'il lui était à charge, il pesait les cheveux de sa tête, qui pesait 200 cycles au poids du roi. Et il naquit à Absalom trois fils, et une fille, qui avait nom Tamar, et qui était une très belle femme. Et Absalom demeura 2 ans entiers à Jérusalem sans voir la face du roi. C'est pourquoi Absalom manda à Joab qu'il vînt vers lui, pour l'envoyer vers le roi, mais il ne voulut point aller vers lui. Il le manda encore pour la seconde fois, mais il ne voulut point venir. Alors Absalom dit à ses serviteurs, « Vous voyez là le champ de Joab qui est auprès du mien, il y a de l'orge, allez et mettez-y le feu. » Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu à ce champ. Alors Joab se leva et vint vers Absalom dans sa maison, et lui dit, « Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu à mon champ ?» Et Absalom répondit à Joab, « Voici, je t'ai envoyé dire, viens ici, et je t'enverrai vers le roi, et tu lui diras, « Pourquoi suis-je venu de Gezur, il vaudrait mieux que j'y fusse encore. Maintenant donc que je vois la face du roi, est-ce qu'il y a de l'iniquité en moi, qu'il me fasse mourir ?» Joab vint donc vers le roi, et lui fit ce rapport, et le roi appela Absalom, lequel vint vers lui, et se prosterna le visage en terre devant le roi, et le roi baisa Absalom.